Sixième chapitre. Sainte Marthe. Sainte Marthe est située dans un paradis terrestre, assise au bord d'une plage qui se déploie en forme de conque marine. Elle groupe ses maisons blanches sous le feuillage des palmiers et rayonne au soleil comme un diamant enchâssé dans une émeraude. Autour de la ville, la plaine, s'arrondissant en un vaste cirque, se relève en molles ondulations vers la base des montagnes. Celles-ci étagent l'un au-dessus de l'autre leurs gigantesques gradins diversement nuancés par la végétation qui les recouvre et l'air transparent dont l'azur s'épaissit autour des hautes cimes. Dénuées ces franges en longues traînées blanches dans les vallées supérieures s'enroulent en écharpe sur les sommets. Et de cet amoncellement de nuées, de pics, de montagnes de toutes formes, jaillit la superbe Orquetta, dont le double cône, dressé au-dessus de l'horizon, semble régner sur l'espace immense. Les énormes contreforts sur lesquels s'appuie le pic à deux têtes projettent à droite et à gauche deux chaînes de montagnes qui se recourbent autour de la plaine de Sainte-Marthe, abaissent par une succession de chutes gracieuses la longue arête de leur cime et, de chaque côté du port, vont plonger dans la mer leur hardi promontoire, portant chacun sa vieille forteresse ruinée. Ainsi, la plaine semble soulevée entre les bras du géant Orquetta et doucement inclinée comme une corbeille de feuillage vers les flots éblouissants de lumière. Le promontoire du nord se continue par une chaîne sous-marine et se redresse au-dessus de l'eau pour former le Morillon et le Moro, îles rocheuses qui servent de brise-lames au port. L'ensemble du paysage enfermé dans cette enceinte est d'une harmonie indescriptible. Tout est rythmique dans ce monde à part, limité vers le continent, mais ouvert du côté de l'infini des eaux. Tout semble avoir suivi la même loi d'ondulation depuis les hautes montagnes aux cimes arrondies jusqu'aux lignes d'écume faiblement tracées sur le sable. Aussi qu'il est doux de contempler cet admirable tableau. On regarde sans cesse et l'on ne sent point les heures s'envoler. Le soir surtout, quand le bord inférieur du soleil commence à plonger dans la mer et que l'eau tranquille vient soupirer au pied des falaises, la plaine verte, les vallées obscures de la Sierra, les nuages roses et les sommets lointains, saupoudrés d'une poussière de feu, présentent un spectacle si beau qu'on cesse de vivre par la pensée et qu'on ne sent plus que la volupté de voir. Ceux qui ont eu le bonheur d'avoir sous les yeux ce paysage grandiose ne l'oublient jamais. Un de mes amis grenadins, auquel, avant d'aller à Sainte-Marthe, j'avais demandé quelques renseignements sur cette ville, ne put me répondre que par un sourire de regret, et par ce mot « hélas ». L'intérieur de la ville n'est pas en harmonie avec la magnificence de la nature qui l'environne. Sainte-Marthe est le premier établissement que les Espagnols aient fondé sur la côte ferme grenadine et, malgré l'ancienneté de cette origine, malgré son beau port, et son titre de capitale du Magdalena, malgré la fertilité de sa plaine et de ses montagnes, elle compte au plus une population de 4000 habitants. Les rues, larges et coupées à angle droit, comme celles de toutes les cités âgées de moins de 4 siècles, n'ont jamais été pavées, et pendant les jours de forte brise, elles n'offrent à la vue qu'une perspective de tourbillon de sable où le passant n'ose pas s'aventurer. Les maisons sont en général basses et mal construites. Dans les faubourgs, elles ne sont même que de simples cabanes en pieux et en terre, couvertes de toits en feuillage de palmiers et peuplées de scorpions, d'araignées innombrables. En 1825, 3 siècles après la fondation de Sainte-Marthe, un tremblement de terre renversa plus de 100 maisons, lézarda la cathédrale et les 4 églises. Depuis cette époque, les monceaux de briques rompues et de plâtras n'ont pas été déblayés. Les ruines n'ont pas été consolidées. Les lézardes bâillent de plus en plus. Seulement, le temps à décorer d'arbustes les murailles penchantes et tresser sur la haute coupole de l'Iglesia Mayor une verte guirlande toute bariolée de fleurs jaunes et rouges. Dans cette ville encore aussi délabrée que le lendemain du tremblement de terre, je ne vis qu'une maisonnette neuve et les fondements d'un édifice inachevé qui devait servir à un grand collège provincial. La demeure du plus riche commerçant de la ville, jadis véritable palais, n'offre plus du côté de la mer qu'un ensemble de ruines. Des murs chancelants entourent le jardin, rempli de débris amoncelés. Des futs de colonnes, des chapiteaux jonchent le sol. Des arbres épineux croissent au milieu des pierres. Malgré ces traces du désastre de 1825, Sainte-Marthe est loin de produire sur l'esprit la même impression lugubre que Carthagène. Les rues sont plus larges. Les maisons que n'a pas renversées le tremblement de terre sont blanchies à la chaux ou peintes de couleurs gaies. Et puis la nature est si belle qu'elle jette un reflet de sa beauté sur la ville tapie à ses pieds au milieu des arbres. Depuis le partage de la Nouvelle-Grenade en 8 républiques fédératives, Sainte-Marthe a voté la construction d'un phare sur le Moro, établi plusieurs institutions d'utilité publique, fondé une école d'enseignement supérieur. Puisse-t-elle continuer dans cette voie et cesser bientôt d'offrir un pénible contraste avec l'Eldorado qui l'environne. Devant les maisons, au centre de la vaste courbe dessinée par la plage, s'élèvent les ruines d'un ancien fort, dont les murailles, à demi rongées, s'émiettent pierre à pierre dans les flots envahissants. Les bongos de la Cienega, chargés de bananes, de poissons, de noix de coco, ancrent au pied de la forteresse, et c'est au milieu des blocs de pierre, sur le sommet des remparts, que les Indiens étalent leurs denrées. Les femmes de la ville, en général assez courvêtues, y viennent en foule chercher leurs provisions de la journée. Rien de pittoresque comme ce marché tenu en plein air, sur des murs qui surplombent la vague bleue. Les grands navires d'Europe et des États-Unis mouillent à 1 kilomètre plus au nord, au fond même de l'Anse et au pied du promontoire, qui la protège contre les vents du nord et les vents d'est. La plage qui s'étend entre le promontoire et la ville est bordée d'un côté par la mer, de l'autre par des salines quelquefois inondées. Le soir, elle sert de promenade à toute la population, et les piétons, les cavaliers, les voitures la parcourent en tous sens. La douane, un entrepôt ruiné, une jetée, quelques tentes de feuillage, dressés au-dessus des ballots de marchandises, sont les seules constructions élevées dans le port, qui, loin d'apparaître comme un centre d'activité, semble plutôt un lieu de plaisir. À tout instant du jour, des nageurs blancs et noirs plongent du haut de la jetée, s'ébattent comme des tritons autour des navires et changent l'eau bleue en une vaste étendue d'écume, laissant beau, oisif, rester sur la rive, et les matelots, appuyés contre le bordage des navires, jugent des exploits des nageurs et, par de longs applaudissements, rendent hommage aux plus habiles. Aussitôt, après les premières heures de la matinée, consacrées au marché, les places et les rues de Sainte-Marthe perdent la physionomie affairée que leur avait donnée le concours des Indiens, et le far niente y devient aussi général que sur le port. Les 400 ou 500 boutiques ouvertes à tous les coins de rue et offrant aux acheteurs une petite provision de bananes, de cassaves, d'allumettes chimiques et de chicha se désemplissent. Les habitants de Gaïra, de Mamatoko, de Massinga se retirent en caravane, poussant devant eux une longue procession d'ânes et de mulets. Alors les Samarios, restés en possession de la ville, commencent leur sieste. Ou bien, s'asseyant au seuil des portes, conversent gaiement sur les incidents de la matinée, tandis que les señoritas, à l'extrémité des frais corridors, se bercent dans leur hamac, suspendus aux colonnes des patios. À mesure que la chaleur augmente, les voix s'éteignent peu à peu, les insectes même cessent de bourdonner. On dirait que la ville entière repose et s'alanguit sous une atmosphère de volupté. Le travail semble un effort inutile dans cet heureux climat où la paix descend des montagnes vertes et du ciel azuré. Comment blâmer ces populations de s'abandonner à la joie physique de vivre lorsque tout les y invite? La faim et le froid ne les torturent jamais. La perspective de la misère ne se présente point devant leurs esprits. L'impitoyable industrie ne les pousse pas en avant de son aiguillon d'airain. Ceux dont tous les besoins sont immédiatement satisfaits par la bienveillante nature ne cherchent guère à réagir contre elle par le travail et jouissent paresseusement de ses bienfaits. Ils sont encore les enfants de la terre et leur vie s'écoule en paix comme celle des grands arbres et des fleurs. Souvent aussi la chaleur, bien qu'elle soit toujours tempérée par la brise, est tellement forte que toute activité devient fatigue, car Sainte-Marthe est située sous l'équateur météorologique du monde et la température moyenne y est de 29 degrés centigrades. Quand les vallées et les plateaux de la Sierra Nevada seront peuplés par des centaines de milliers d'agriculteurs, alors les Samarios, aujourd'hui si peu actifs, seront entraînés dans le grand tourbillon du travail et le commerce, aux bras immenses, s'emparera de Sainte-Marthe comme il s'est emparé de tant d'autres villes tropicales qui s'endormaient aussi sous un ciel enchanteur. De nos jours, la capitale de l'État du Magdalena ne fait guère que le commerce de transit. Elle reçoit de l'étranger des cargaisons d'étoffes, marchandises peu encombrantes, qu'on peut facilement expédier vers les marchés de l'intérieur. En échange, elle envoie en Angleterre une grande partie de l'or obtenu par les mineurs de l'État d'Antioquia et en Allemagne quelques chargements de tabac. Le total des importations et des exportations s'élève à tout au plus 15 millions de francs par an. Qu'il serait facile d'augmenter cette somme comparativement insignifiante si l'on voulait s'adonner sérieusement à la culture du sol. Comme tous les étrangers qui visitent Sainte-Marthe, je me sentis dès les premiers jours enivrée de cet air voluptueux et chargé d'arômes qui s'élevait de la plaine. Au lieu de m'occuper aussitôt de mes projets d'agriculture, je me laissais paresseusement aller à la contemplation de la nature environnante. Cependant, mes heures ne se perdirent pas entièrement. Bien accueillie dans toutes les maisons où je me présentais, je me fis des amis qui s'empressèrent de répondre à mes diverses questions avec une obligeance toute castillane. En me promenant sur la plage, je liais souvent conversation avec les pêcheurs indiens ou métis. De toutes les manières, je tâchais d'étudier sur le vif les mœurs, les croyances, les habitudes de la population. Pour connaître les principaux produits de la plaine, je n'eus qu'à errer le long des sentiers et à pénétrer dans les jardins où l'on m'offrait des fruits de toute espèce à des prix d'une incroyable modicité. C'était des figues, des bananes de plusieurs variétés, puis des nisperos à la chair couleur de sang, des ananas, des papayes, des ciruelas ou prunes des tropiques, des aguacates ou avocats, des mangos à l'odeur de térébenthine, des goyaves, le maragnon ou pomme d'acajou dont le parfum vaut à lui seul un festin, le guanabano qui rappelle le goût des fraises dans le vin sucré, et tant d'autres productions exquises dont la nomenclature exigerait un dictionnaire en règle. Note. Nisperos, Acra sapota, Ciruelas, Spondia ciruela, Guanabano, Annona muricata. Dans cette plaine fortunée et sur les pentes de ces montagnes où le soleil mûrit d'un même rayon les fruits les plus suaves de tous les climats, il ne serait pas difficile de redevenir frugivore comme nos premiers pères et d'abandonner l'affreux régime de la chair et du sang pour celui des végétaux qui croissent spontanément au sein de la terre. Sous nos tristes climats du nord, pendant la saison d'hiver, bien des actes de la vie causent une véritable souffrance. Le matin surtout, il faut presque de la force d'âme pour se lever résolument. Au moment du réveil, on a les membres doucement enveloppés de couvertures comme d'une triple atmosphère de chaleur. des frissons électriques et voluptueux traversent le corps. La paupière s'ouvre amoureusement à la vie. Dans la chambre, au contraire, tout semble contracté par le froid. Des cristaux de glace couvrent les vitres de leurs fleurs étincelantes. La blancheur mate qui les pénètre fait pressentir qu'une épaisse couche de neige est étendue sur la terre. Des bouffées sifflantes de vent se plaignent au-dessus des toits et s'engouffrent dans la cheminée avec un murmure plaintif. Alors ceux qui n'ont pas à leur disposition toutes les ressources du confort doivent tout d'un coup relever leur chaude couverture, bondir sur le plancher de la chambre glacée, plonger la tête et les mains dans l'eau froide. Ils doivent agir par une suite de mouvements désespérés et chasser toute réflexion pendant la consommation de cette espèce de suicide. Les sybarites prolongent leur sommeil par un demi-assoupissement et se débattent contre le jour qui s'élève, le bruit de la rue qui grandit, les pas qui retentissent et la pendule qui bat son impitoyable tic-tac. Ils sentent avec effroi qu'ils vont se réveiller. Il leur suffirait de faire un mouvement, d'ouvrir les yeux pour dissiper tout reste de sommeil. Mais ils ont soin de se tenir immobiles. Ils ferment leurs paupières avec désespoir, se défendent de penser et parviennent à sommeiller de force. Puis quand le moment fatal arrive enfin, ils inventent encore des raisons pour attendre un peu. L'écolier récite ses leçons. La dévote dit 50 Ave Maria. Le poète compose des vers. Seuls les hommes vraiment courageux s'éveillent avec joie, prennent plaisir au ruissellement de l'eau glacée sur le corps, aux caresses mordantes de l'air extérieur qui fait une irruption soudaine par la fenêtre entrouverte. Ce courage peut aussi provenir de la nécessité, et c'est à l'eau froide, au souffle glacé de l'hiver, qu'il faut peut-être attribuer en grande partie la force inébranlable, la calme résolution des hommes du Nord. Celui qui brave le froid peut aussi braver le canon. Combien, au contraire, le réveil est suave et délicieux dans les doux pays du Midi, dans une plaine comme celle de Sainte-Marthe. Les vagues parfums des corolles qui s'entr'ouvrent viennent flotter dans la chambre. Les oiseaux battent de l'aile et gazouillent leurs mille chansons. L'ombre du feuillage se dessine sur la muraille blanche et joue avec les rayons naissants. L'atmosphère, si douce à l'intérieur des maisons, est au dehors plus douce encore, plus fraîche, plus vivifiante. Le vent qui passe fait entrer dans le corps et dans l'âme la volupté de la jeunesse. Au milieu de cette nature qui s'éveille avec tant d'amour à la vie, il est impossible de ne pas revivre soi-même de toute l'ardeur de son être. Sur le sein de cette mer si belle, au premier rayon du soleil, on respire avec enivrement. On se sent renouvelé. Dès le point du jour, les cavaliers et les piétons couvrent les chemins qui mènent au petit fleuve Manzanares, ainsi nommé par les conquistadores en souvenir du ruisseau de Madrid, et chacun va choisir une anse ombragée pour y faire ses ablutions du matin. Le sentier que je prenais d'ordinaire passe à travers les jardins. Les hautes herbes entapissent si bien les bords, les arbres pressés entrelacent si bien leurs branches en forme de voûte au-dessus de l'allée qu'on pourrait se croire dans un immense berceau de verdure. Le soleil fait pénétrer çà et là une aiguille de lumière et par de rares échappées apparaissent les feuilles en panache des cocotiers qui se balancent à 10 mètres au-dessus des arbres du chemin. Les prunes des tropiques jonchent le sol, les émanations des fleurs épanouies et des fruits mûrs se répandent dans l'air. Souvent aussi une jolie indienne passe au trot sur son âne et l'on échange avec elle le salut d'usage. Ave Maria, sin pecado concebida. Arrivé au pont du Manzanares, monument remarquable dans son genre, puisqu'il est le seul de la province, mais qui se compose simplement d'un tablier en bois assez mal posé sur des culées déjà lézardées et penchantes, les groupes se séparent. Chaque baigneur descend la berge en s'aidant des branches des caracolis ou des mimosas et va s'étendre dans l'eau transparente sur le sable micacé de la rivière, semblable à une mosaïque d'or et d'argent. À cette heure matinale, tous les oiseaux chantent. Les essaims de moustiques ne tourbillonnent pas encore dans l'air. La chaleur du soleil n'a pas traversé l'épais branchage des arbres. Et l'eau, à peine descendue des montagnes, garde encore la fraîcheur du rocher. Après quelques minutes de ce bain délicieux et vivifiant, on remonte sur la rive, puis on se disperse au hasard dans les jardins avoisinants. Telles se passent les matinées à Sainte-Marthe. Une grande partie de la journée est employée à faire la sieste, du moins par les hommes, car les femmes actives dans tous les pays du monde n'interrompent que rarement leurs travaux de ménage. Quand la chaleur était trop forte pour me permettre une excursion le long du fleuve ou de la plage, il ne restait qu'à m'étendre dans mon hamac, un livre à la main. La maison que j'avais louée pour la modique somme de 20 francs par mois était vaste, bien ombragée, entourée d'un beau jardin, et ma voisine, la Niña Perlita, avec ce touchant instinct d'hospitalité si fréquent chez les femmes créoles, n'avait pas attendu la formalité d'une visite pour m'envoyer tous les meubles nécessaires à mon petit ménage. Note, Niña, enfant, jeune fille, dans la Nouvelle-Grenade, les dames mariées reçoivent aussi bien que les demoiselles ce petit nom d'amitié. Étranger, à peine débarqué, je trouvais déjà dans ma nouvelle patrie bien plus de sympathique affection qu'on en trouve d'ordinaire dans sa ville natale. Quelques jeunes gens, avides d'apprendre comme le sont sans exception tous les néo-grenadins, venaient converser avec moi. Les dames auxquelles j'étais présentée m'interrogeaient aussi avec la charmante liberté du pays. Quelques-unes même poussaient l'audace jusqu'à me demander si les Françaises étaient jolies. Ailleurs, j'eusse courageusement répondu, mais sous les yeux fulgurants de ces filles du soleil, j'osais à peine dire que, là-bas, dans les brumes du nord, il germait aussi de belles fleurs. Une chose qui me frappa d'abord, c'est la remarquable intelligence de tous les jeunes gens que je connus à Sainte-Marthe. Toujours heureux et gais, ils ne font pas consister leur gloire suprême à prendre des attitudes de héros blasés. Mais ils vivent joyeusement, menant de front l'étude et les plaisirs bruyants. Ils s'expriment avec une élégante facilité et s'élèvent naturellement à une éloquence quelquefois verbeuse, mais toujours entraînante. Outre l'espagnol, ils parlent en général une ou deux langues vivantes, le français, l'anglais, l'allemand ou le hollandais. Très curieux de tout ce qui vient de l'étranger, ils savent se procurer une certaine éducation superficielle qui leur permet de converser sur tous les sujets sans jamais rester à court. Cette éducation, ils la doivent entièrement à eux-mêmes, car dans les écoles, la discipline est complètement nulle. Et pour agir sur les enfants, il faut leur parler comme à des hommes libres. Les institutions républicaines ont donné dans tous les pays d'Amérique un tel ressort à la volonté que les enfants, comme les hommes, n'admettent plus l'obéissance. Pour se faire respecter, les professeurs doivent simplement prendre le titre d'ami et, loin de faire usage de la moindre autorité, n'agir que par la douceur. En Louisiane, un directeur français, infatué des traditions classiques, ayant introduit dans son collège une discipline rigoureuse, les jeunes gens se mutinèrent et brûlèrent l'établissement. Chez ces enfants, si chatouilleux sur la question de leur dignité personnelle, le point d'honneur est heureusement très exalté. L'émulation peut leur faire opérer des prodiges. Il suffit de leur montrer de la confiance pour qu'ils cherchent aussitôt à la justifier par leur activité. En cela, les hommes de la Nouvelle-Grenade ne diffèrent nullement des enfants et dès qu'ils sentiront leur honneur engagé à faire prospérer leur pays, à fonder des écoles, à ouvrir des routes, à cultiver leur vaste territoire, il est certain qu'ils feront tout ce qu'il est possible d'attendre d'eux. Le point d'honneur est le principal levier au moyen duquel on pourra soulever ce peuple et le lancer dans la voie du progrès. C'est la grande vertu qui mettra en activité toutes les autres. la qualité des créoles grenadins sont nombreuses. Si l'on peut leur reprocher une certaine paresse morale, on ne peut nier leur intelligence, leur bravoure, leur affabilité et surtout leur modestie. Avec quelle grâce touchante ne rejettent-ils pas leur propre patrie dans l'ombre lorsqu'ils parlent de la France qui, pour eux, est, à tort ou à raison, le représentant le plus glorieux des races latines et le porte-étendard du progrès. Le jeune homme le plus remarquable avec lequel je liais connaissance s'appelait Ramon Diaz. C'était un mulâtre âgé de 18 ans à peine. Il avait eu le temps déjà d'acquérir une instruction solide. En compagnie d'un voyageur européen, il avait étudié l'ornithologie et la botanique dans la plaine qui entoure la ville. Après le départ de l'explorateur étranger, il avait continué ses recherches tout seul. Aidé de quelques livres, il avait en outre su rédiger, pour son usage personnel, des cours de philosophie, de littérature, de géométrie. Cependant, la variété de ses connaissances ne lui avait pas inspiré la moindre ambition. Il restait sans fausse honte dans les shops de sa mère où il vendait peut-être une quinzaine de bananes par jour. S'il était sans ambition, il n'était point sans orgueil et savait bien que ce n'est pas la disposition sociale mais la dignité personnelle qui fait la valeur de l'homme. Ramon Diaz et ses amis n'étaient pas seuls à égayer mes journées. J'avais aussi d'autres visiteurs. Le singe attaché à une longue corde qui, las de se balancer à une branche, venait de temps en temps me donner une accolade. Le perroquet qui me récitait les noms de tous les enfants du quartier et s'interrompait souvent par le cri « Burro, burro, âne, âne » a pris sans doute des Indiens qui encouragent ainsi leur monture. La petite perruche verte qui penchait la tête d'un air timide et câlin, comme pour demander un baiser, puis lustrait avec son bec ses ailes étendues et gazouillait joyeusement quand je lui jetais les fruits rouges du cactus. Ainsi entouré d'amis et d'ailleurs un peu affaibli par la chaleur, je ne pouvais consacrer toutes mes heures au travail. Cependant mes études, pour n'être pas austère, n'en étaient pas moins profitables. On peut apprendre même en jouissant, et le balancement de mon hamac, les ombres des feuilles découpées sur le parquet, à travers les colonnes de bois du patio, la vue de la coupole lézardée de la cathédrale, se dessinant en violet sur le fond bleu du ciel, toutes ces choses servaient à graver, irrévocablement dans mon esprit, chacune de mes réflexions. Dans le silence du cabinet, surtout pendant les nuits froides et lugubres de nos pays du Nord, celui qui cherche la vérité la découvre nue dans toute sa majesté sereine et peut la regarder face à face sans que rien vienne troubler sa contemplation. Cette conquête a quelque chose d'héroïque. Elle est certes la plus essentiellement humaine, mais elle est solitaire, pour ainsi dire, et n'emprunte sa poésie à rien de ce qui l'entoure. Au milieu de la nature tropicale, cette puissante magicienne qui embellit tous les objets, chaque pensée devient en même temps un tableau. Les abstractions, si froides dans le Nord, s'harmonisent avec le milieu qui les environne et souvent une idée attend pour pénétrer dans l'esprit qu'un rayon de soleil se fasse jour à travers le feuillage. Les âmes vibrent à l'unisson de la grande âme de la terre. Avec la soirée viennent les bals et les promenades. Les joueurs de tambourin et de castagnettes se réunissent au coin des rues et improvisent des concerts que des enfants imitent de loin à grand renfort de chaudrons et de crécelles. Les jeunes filles se rassemblent chez celles de leurs amis qui célèbrent sa fête patronale et dansent autour d'un reposoir décoré de fleurs et de guirlandes. À côté de l'image de la patronne sont suspendus tous les objets précieux qu'on a pu trouver dans la maison. Des colliers, des bracelets, des éventails, des pièces d'étoffe, des estampes françaises représentant l'ensevelissement d'Atala ou la mort de Poniatowski. Les ménétriers, jouant avec une espèce de furie, leur aigre ritournelle, sont juchés sur des meubles recouverts de pièces de calicot et ne se repose que d'heure en heure pour absorber à la hâte un verre de chicha. Entre qui veut, soit pour danser, soit pour goûter aux rafraîchissements qui circulent aux frais de l'hôte et de ses nignasses. La maison devient tous les soirs propriété publique jusqu'à l'anniversaire de la fête d'une autre jeune fille. Grâce à la beauté des nuits, les promeneurs sont encore plus nombreux sur la plage que les danseurs dans les salles de bal. Les groupes se mêlent, se détachent, se reforment. Ça et là, des chants se font entendre et marient leur voix au bruit harmonieux des vagues. Ceux qui n'ont pas vu la splendeur des nuits tropicales ne peuvent se figurer combien sont douces les heures passées sous la lumière voilée des nuits équatoriales. Ils ne savent pas à quel degré peut s'élever la jouissance exquise de l'être physique caressé par la limpide atmosphère qui le baigne. Tous les sens sont flattés à la fois et chaque mouvement est si doux à faire qu'on pourrait se croire dégagé des chaînes de la pesanteur. Le ciel, où les étoiles scintillent avec une clarté quatre fois plus grande que dans la zone tempérée, est presque toujours libre de nuages et l'on y peut contempler tout entière l'arche flamboyante de la Voie lactée. Note, une clarté quatre fois plus grande que dans la zone tempérée. D'après Alexandre de Humboldt, la lumière zodiacale que plusieurs astronomes américains prétendent être un anneau semblable à celui de Saturne arrondit son orbe immense à l'occident. Au sud apparaissent comme des flocons de neige les nuages magellaniques, groupes de constellations aussi vastes que notre ciel et cependant perdus comme une vapeur dans l'infini de l'espace. À chaque instant, des étoiles filantes, beaucoup plus volumineuses en apparence que celles de nos climats, et laissant toujours derrière elles de longues traînées de diverses couleurs, traversent le ciel dans tous les sens. Parfois, on dirait les fusées d'un feu d'artifice. Cependant, on n'entend jamais la moindre explosion. Cette circonstance, le nombre et le volume des étoiles filantes me semblent donner un grand poids à l'opinion des savants qui ne voient dans ces météores autre chose que la combustion spontanée des gaz échappés au marécage. En effet, ils ne fermentent nulle part autant de matière putrescible que dans les lagunes des forêts tropicales et les gaz qui s'en élèvent constamment peuvent sans aucun doute former de véritables nuages dans les régions supérieures de l'atmosphère. Une chose contribue encore à augmenter l'influence presque enivrante des nuits tropicales sur l'organisme. Les parfums des jardins et de la forêt. Les fleurs de chaque espèce s'ouvrent l'une après l'autre et versent dans l'air la senteur spéciale qui les distingue. Quelques-unes de ces odeurs, entre autres celle du palmier, Corua, font une irruption soudaine et envahissent brusquement l'atmosphère. D'autres plus discrètes s'insinuent avec lenteur et s'emparent graduellement des sens. D'autres encore, imprimant une espèce de rythme aux vagues aériennes, jaillissent des fleurs par intervalles. Mais toutes se succèdent dans un ordre régulier et produisent ainsi une vraie gamme de parfums. À l'imitation de Linné, qui parlait de construire une horloge de fleurs où les heures seraient marquées par l'épanouissement des corolles, messieurs Spix et Marcius, les célèbres explorateurs du Brésil, proposaient de disposer un jardin en une vaste horloge tropicale où chaque division du temps eût été indiquée par une odeur différente s'échappant d'une fleur entrouverte comme la fumée s'échappe de l'encensoir. Ainsi se termine le sixième chapitre.